Les lumières tamisées grainent sur le fil secondes livides. Je jette un œil glauque sur mon verre déjà vide. Si j'aime les nuits blanches, la fatigue se fait sentir. Je reste planté sur ma chaise, je rêve de partir. Et ce doux piano barge n'est qu'un prétexte pour moi, afin que le cœur lourd j'aille encore vers toi, pour causer encore, pour réinventer encore une fois les folies et les promesses qu'on s'échangeait autrefois. Un prétexte pour accuser encore, pour m'adresser à ceux qui restent sans bruit assis sur le plancher, à ceux qui ont mis le feu à toutes leurs belles idées, à ceux qui préfèrent se taire par manque de courage, ou peut-être d'envie, c'est sans doute le poids des âges. Je reprends un whisky, j'ai les yeux rouges. Pourtant je sais bien que la soirée ne fait que commencer. J'ai passé mes jours à te dire je t'aime, j'en suis presque essoufflé. Pourtant je prends plaisir à t'avoir pour compagne d'infortune. Je veux avec toi planer sur les brillants éclats de lune, comme deux anges en danger, arrachés à mes délires. On ira se pendre au cou de ces sirènes, juste pour en rire. Je te dirai encore les mots qui révéleront tes sourires. Et le prince noir que je suis réveillera tes instincts. On chantera sans péter les cordes vocales, à en rester sur le cul, c'en est presque sale. Dis, tu me suivras. Quand j'irai la transe au bout des doigts, invoquer les démons et les esprits oubliés, quand j'hurlerai des chants indiens de mille voix, juste partir dans d'autres contrées. Est-ce que tu m'accompagneras le long des rives? Est-ce que mon envie de fuir accompagnera tes dérives? Parce qu'on est mou, même si j'en doute, à précipiter notre fin au compte-goutte. Je crame ma vie parce que la bougie est moche, et que je connais trop tôt le trou de mes poches. Puisque la bohème est séduisante, et que le piano barge comble l'absente.